إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ويقول الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وروى الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصارى أيها المسلمون إن ظاهرة التشبه بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين وسائر المشركين في هذا الزمن من الظواهر البارزة والتي تقتضي من كل عاقل عظيم الحذر وتشتمل على كثير من الخطر وموجبات الشر وعظيم الضرر فإن ظهور التشبه بأعداء الله من أهل الكتاب والمشركين دليل على قلة العلم وضعف الإيمان وانحراف الفطرة وعلامة على مرض القلوب وأعمى البصائر واختلال المقاييس وانقلاب الموازين ومظهر من مظاهر كفران النعم وغلبة الهوى وإيثار الأولى على الأخرى ذلكم لأن التشبه إنسان بآخر يدل على إعجابه بما كان عليه من تشبه به ومحبته لما تشبه به فيه والقاعدة العامة المتفق عليها لدى جميع العقلاء ذوي الفطر السليمة والموازين المستقيمة أن يتشبه الأدنى بالأعلى وأن يتأثر المغلوب بالغالب وأن يقتدي الضعيف بالقوي رجاء أن يصل إلى مستواه وأن يتمكن مما تمكن منه وإذا كان كذلك فهل يليق أن يتشبه الرشيد بالسفيه وأن يظهر العالم بمظهر الجاهل أم هل يليق أن يحذو المستقيم حذو المنحرف أم هل يقتضي العاقل بالمجنون لا شك أن ذوي الحجى والنهى يمقتون ذلك ويعدونه من ضروب المهالك عباد الله إن التشبه بأعداء الله دليل على تعظيمهم والإعجاب بما هم عليه من الضلال والباطل وسبب من أسباب التشبه بهم في الباطن وموافقتهم في الأقوال والأفعال والأحوال وهو من آثار شعور المسلم بالذلة والهوان وقد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وترك التشبه بأعداء الله والالتزام بمخالفتهم في هديهم وطريقتهم وما كانوا عليه من الاعتقادات والأخلاق والأعمال الباطنة دليل على عزة المسلم بدينه، واغتباطه بنعم الله عليه، ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وذلك من أسباب ظهور الحق وانتشار الهدى بين الخلق ونزول النصر وشرح الصدر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود والنصارى خاصة وغيرهم من المجوس وأهل الشرك عامة في عامة الأمور، حتى قالوا: ما يريد محمد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. عباد الله، لقد فضل الله المسلم على غيره وحذره أن يخنع لغير المسلمين وأن يحبهم أو يرتضي بفعالهم ويقلدهم ويتشبه بهم، لما يورث ذلك من الذل الملتبس بهم، حتى حذر من مجرد الركون لهم من أنه يدخل النار، كما قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي لا تميلوا إليهم بالمحبة. ولقد تكثرت النصوص الشرعية التي تحذر المسلم من أن يتشبه بالكافرين وأن يحاكي فعالهم. عباد الله، إن الإعلام العالمي اليوم ينقل لبلاد المسلمين تقاليد الكفار ويلقيه بيننا، ولهذا نلحظ أن الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا أصبحوا يقلدون المشركين في كثير من عاداتهم. وإن المتأمل للنصوص الشرعية يلحظ أن من مقاصد الشريعة الإسلامية مخالفة المشركين، ويقصد بقول الفقهاء أنها من مقاصد الشرع أن الشرع قصد هذا الأمر وتتبعه لننفيه من جميع طرفه. عباد الله، سنتطرق لبعض النصوص التي جاءت آمرة بالمخالفة ليتبين لنا عظم الأمر وأهميته. فالتشبه بالكفار طريق للخروج من الدين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا جاء الأمر صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين، قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بل جاء الأمر بصيغة التهديد بالتهديد بالعذاب على مجرد الركون للكافرين. يقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني ضعفنا عليك العقوبة، يعني ضعفنا عليك العقوبة في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطاب للأمة من باب أولى، والآيات كثيرة في هذا الباب. أما الأحاديث فقد تواترت الأحاديث في التحذير من مخالفة المشركين، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفر اللحى، وأحفوا الشوارب، يعني وفر اللحى، اتركوا اللحى لا لا يعني تحلق اللحى وأحف الشوارب يعني قطع الشوارب. وفي رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. فهذا من مظاهر مخالفة المشركين وهو مأمور به في الإسلام. ومن أمثلة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لا يؤكلونها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وليتأمل كيف كان واضحا عند الصحابة رضي الله عنهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة المشركين. ومن الأمثلة في ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. ومن الأمثلة كذلك تعجيل الإفطار في رمضان لما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء كما ورد ذلك في الصحيح. وغيرها كثير مما يدل على أن مخالفة المشركين أصل من أصول الدين. والمتأمل في مشاهد الحج وشعائره يجد مخالفة المشركين والمجافات عن طريقهم مقصدا من مقاصد الحج. حتى قال ابن القيم رحمه الله استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المساء في المناسك. انتهى كلامه رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله إن الناظر في حال شبابنا ونسائنا إلا من رحم الله يرى التقليد المقيت للمشركين في لبسهم وهيئتهم وكلامهم وقصة شعورهم بل في أساليب حياتهم. وهذا ينبئك على قلة الإيمان في قلوبهم وضعف الانتماء لدينهم. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على لباس الكفار الإفرنجي أن يعملوا على تعديل لباسهم بما يغير لباس المشركين كتوسيع الألبسة واللائق بهم، بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التزي بزي المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله وحفظه الله. ولما أحس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخطر التتار على الأمة الإسلامية لأنهم غلبوا المسلمين في كثير من البقاع وهابهم القاصي والداني والمغلوب دائما يقلد غالبه، فأخذ المسلمون يقلدون التتار من غير وعي. لذا ألف رحمه الله كتابا أسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الذي حذر فيه من تشبه المسلمين بغيرهم من أهل الملل والنحل. وتأملوا هذا الحديث عباد الله، وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله قال: قالوا يا رسول الله إن المشركين يتسربلون ولا يتزرون. قال: تسربلوا أنتم واتزروا. قالوا يا رسول الله إن المشركين يحتفون ولا ينتعلون. قال: فاحتفوا أنتم وانتعلوا، خالفوا أولياء الشيطان كلما استطعتم. فجعل المخالفة مطلب لا يسقط إلا بالعجز عنه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة؟ انتهى كلامه. عباد الله، إن مخالفة المشركين في هديهم والحذر من التشبه بهم مطلب شرعي يحتاج كل مسلم أن يؤصله في نفسه، ونفس كل من كان تحت يديه. فكثير جدا من هي الأمثلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين فيها، مما يبرهن للناس أهمية هذا المطلب. سيفتد الله كريا الله. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque imite un peuple, il est un des leurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, comme c'est rapporté selon Ibn Omar, il dit: il n'est pas des nôtres celui qui ressemble à autre que nous, ou qui imite autre que nous. N'imitez pas les juifs et les chrétiens. Il y a eu, il n'y a pas trop longtemps, une expérience qui a été faite. C'est une expérience sociologique, et on en voit de plus en plus maintenant sur Internet. Ils ont mis un jeune musulman avec un qamis et un turban, et à côté de lui, un autre jeune habillé de la même manière que les juifs. Le veston noir, pantalon noir, le chapeau noir avec les couettes de chaque côté, comme les juifs orthodoxes. Ils les ont fait marcher ensemble dans un quartier juif, et ils les ont fait marcher ensemble dans un quartier soi-disant arabe, musulman. Et quand ils ont marché dans le quartier juif, on voit que là où ils passent, tout le monde est habillé de la même manière. C'est-à-dire que tous les juifs sont habillés avec les mêmes vêtements. Ils portent un costume noir, un chapeau, et les couettes, les hommes et les femmes sont habillés, hein, pareil, on peut tout de suite les reconnaître et savoir que c'est des juifs. Et ensuite, ils sont partis dans un autre quartier, et c'est un quartier supposément musulman, où il y avait des arabes. Et qu'est-ce qui était surprenant dans cette partie-là, c'est lorsqu'ils sont passés dans le quartier où il y avait les musulmans, aucun d'entre les Arabes était habillé comme le jeune, qui était habillé comme un musulman avec le qamis. Tout le monde était habillé à l'américaine ou à l'européenne, avec les pantalons. Et tu ne voyais même pas chez les hommes, il y a des signes d'attachement à la sunna, de porter la barbe, des choses de ce genre. Donc on voyait tout de suite la différence entre le fait que lorsque tu passes dans un quartier juif, tu vois qu'il s'attache à quelque chose, à une apparence, à une appartenance, à une religion, et ça paraît même dans leur façon de s'habiller, dans leur façon d'être. Tandis que lorsque tu passes dans un quartier musulman ou arabe, eh bien, on ne voit pas cet attachement-là. Même si on dit ces choses-là font partie de la culture, mais la culture, elle est quand même liée à la religion. Et le fait que quelqu'un s'attache à sa façon de s'habiller, à sa culture, c'est un signe qu'il s'attache à quelque chose qui est relié à l'islam. Il a une fierté dans son cœur pour son apparence, pour ce qu'il représente et pour sa religion. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que la plupart des musulmans à notre époque, eh bien, c'est le contraire. Ils ont perdu cette fierté de s'attacher à leur culture, à leur origine et à qu'est-ce qui a un lien avec leur religion. Et ils font tout pour essayer d'imiter, de ressembler aux juifs et aux chrétiens qui se sont en grande partie détachés de leur religion. Et donc, on dit ça pour quelle raison? C'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Quiconque ressemble à un peuple, il est un des leurs. » Et comme les ulama ont expliqué qu'en général, lorsque quelqu'un ressemble à quelqu'un extérieurement, ça prouve qu'intérieurement, il y a quelque chose qui se passe. Que la personne, elle est éblouie par la personne à qui elle cherche à ressembler. Et elle a une estime et un respect pour la personne à qui elle cherche à ressembler. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Je me rappelle quelques années dans le passé, une famille juive est venue acheter dans un magasin où je travaillais. Et le petit garçon, il avait peut-être 4 ans, 3 ou 4 ans, et il me regardait sans cesse avec la barbe et mon chapeau. Et il me disait, « Est-ce que tu es un goy ?» Il me répétait la question sans cesse. Est-ce que tu es un goy? Est-ce que tu es un goy? Yani, subhanallah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, regardez, un petit enfant juif qui est éduqué par sa famille et depuis son enfance, on lui enseigne à faire la distinction entre celui qui appartient à sa religion ou à son peuple et à ceux qui n'en font pas partie. Combien de jeunes enfants musulmans aujourd'hui, leurs parents leur enseignent de faire la distinction entre le mu'min, le musulman et le kafir? Combien d'enfants, par exemple, vont rentrer quelque part et puis dire à leurs parents ou à dire à quelqu'un, est-ce qu'il est un kafir ou est-ce qu'il est un musulman? Parce qu'on n'enseigne pas ces choses-là. On n'éduque pas nos enfants selon la aqida de l'islam. Et souvent, on les éduque seulement selon la culture et la tradition dans le pays dans lequel ils vivent. Et on les laisse sans leur enseigner les principes de leur religion. Approchez-vous un peu. Approchez-vous un peu parce qu'il y a les frères qui rentrent, ils ne trouvent pas d'espace. Et donc, tout ça, c'est pour dire, Yanni, que l'islam, il donne une grande importance au fait de se distinguer des koufars, pas seulement dans la croyance et dans le cœur, mais également dans l'apparence aussi, dans notre apparence, dans notre façon de s'habiller. Qu'est-ce qui fait qu'un musulman, par exemple, il aurait honte de porter le qamis pour marcher dans la rue, et qu'on retrouve maintenant dans les mosquées des porte-manteaux qui sont remplis de qamis, parce que les musulmans, ils viennent à la mosquée sans qamis, en pantalon, et ils portent le qamis pour faire la salat, parce qu'il faut couvrir la awra, mais que lorsqu'ils sortent dehors, ils l'enlèvent. Et il y a même des femmes aussi comme ça, qui ne portent pas le hijab dehors, mais elles viennent prier, elles mettent le hijab, puis quand elles sortent, elles l'enlèvent. Sinon, il y en a la plupart des gens qu'on peut reconnaître dans la rue comme étant musulmans, sans leur demander, c'est des femmes. Parce que c'est seulement les femmes qui portent un signe apparent qui montre leur appartenance à cette religion. Sinon, les hommes en général, ils s'habillent comme les autres, comme les juifs et les chrétiens. Et ils ne montrent pas un signe distinctif dans leur façon de s'habiller qui les distingue des mushrikines et des koufars. Ça montre qu'il y a une faiblesse dans leur foi, dans leur compréhension de l'islam, et aussi un certain complexe d'infériorité face aux occidentaux, face aux juifs et face aux chrétiens. Parce que celui qui est fier de ce qu'il est, de son origine, de ses traditions islamiques, de qu'est-ce qu'il a comme façon de s'habiller dans son pays d'origine et comment ses ancêtres s'habillaient, au contraire, il est fier de ça et il le porte avec fierté. Et il ne va pas changer d'habit chaque fois qu'il change de pays. Même que c'est rendu que même dans les pays musulmans, ce n'est pas seulement ici, même dans les pays musulmans, de plus en plus de musulmans commencent à s'occidentaliser, commencent à essayer de devenir plus européens, plus américains, de porter les vêtements soi-disant à la mode, d'essayer d'imiter les chanteurs, les acteurs, les vedettes européennes qu'ils voient à la télé. Donc il faut comprendre une chose, c'est que tout ça, ça fait partie des manifestations de la faiblesse de la foi, de la faiblesse de la compréhension de l'islam et de la faiblesse de l'attachement à nos principes et aussi un complexe d'infériorité profond qui est parfois même inconscient. C'est-à-dire que on ne le réalise même pas. Et parfois, tu vas dire ça à des musulmans. Ils vont dire, non, j'ai pas honte de ma culture, je suis fier d'être musulman. Alors tu lui dis, dans ce cas, pourquoi tu ne le montres pas dans ta façon de t'habiller et dans ta façon de porter tes vêtements de ton pays d'origine? Est-ce que tu as honte de ça? Et ils disent, non, j'ai pas honte. Mais ils refusent pourtant de le faire. Ils ne vont pas aller à l'université habillés avec le kamis et porter leur barbe avec fierté. Parce qu'ils voient dans les médias que tout ça, c'est des choses qui sont dénigrées, rabaissées, et que les gens s'en moquent. Des fois, les musulmans, des jeunes musulmans, des pays musulmans me voient habillés de cette façon. Ils me disent, mais pourquoi tu t'habilles pas normal? Je dis, mais c'est quoi normal? Est-ce que de s'habiller comme les koufars, c'est ça qui est normal? Ou de porter les vêtements que les occidentaux portent, c'est ça qui est normal? Et de s'habiller à la façon traditionnelle, comment les musulmans s'habillent, ça c'est anormal? Il ne faut pas oublier que toutes ces traditions que l'Occident nous ont ramenées, ça a commencé à se propager dans les pays musulmans après la colonisation. Et c'est avec la colonisation qu'ils ont non seulement colonisé militairement les pays musulmans, mais ils ont également colonisé les pays musulmans culturellement et psychologiquement. Et tout ça, ça continue à notre époque avec les médias et autres. Et donc, il y a beaucoup de textes que j'ai cités dans la khutba en arabe à ce sujet qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans d'imiter les autres peuples, d'imiter les koufars, de leur ressembler, de se distinguer d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Khalifu al-Yahoud, Khalifu al-Nasara. C'est « Distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens. U'fou liha, laissez pousser vos barbes. Waqassou shawarib, yani coupez vos moustaches. » Et beaucoup d'autres hadiths aussi qui mentionnent ce genre de choses, que le musulman il doit être fier par rapport à sa foi et qu'il ne va pas essayer d'imiter les gens qui suivent autre voie et autre chemin que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين